Stephen King aime les aurores boréales, Stephen King aime les aéroports, Stephen King a écrit Les Langoliers et Tom Holland l'a adapté. Bonjour et bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock. Bonjour Chris. Salut. Ça va ? Bah écoute, ça va très bien. On sort d'une longue série d'adaptations assez moyennes. On va voir si cette série continue aujourd'hui. Assez moyenne, voire très mauvaise pour certaines. Ouais, voilà, je disais ça pour être poli, mais en effet. On pense toujours à Dr. Sleep tous les jours. Oh, puis même à The Mangler Reborn. Ah oui, oui, aussi, oui. Ah, ne l'oublions pas, celui-là. Donc on va voir si cette adaptation nous permet de remonter un peu la pente. Comme d'habitude, nous allons spoiler la longue nouvelle et son adaptation. Donc si vous ne voulez rien en savoir, arrêtez-vous, allez voir tout ça et revenez ensuite. Et nous, on va y aller ? On y va. C'est parti ! Les Langoliers nous racontent l'histoire d'un groupe de passagers d'un avion qui se réveille et se rend compte que tout le reste de l'équipage et des passagers de l'avion a disparu. Par chance, l'un d'entre eux est un pilote qui va pouvoir faire atterrir l'avion dans un aéroport à Bangor dans le Maine. On est chez King après tout. Et là-bas, ils vont se rendre compte que pareil, il n'y a absolument personne et ils vont commencer à supposer qu'ils ont été renvoyés dans le passé et qui sont dans un passé qui, petit à petit, commence à disparaître et risque de les emporter avec lui. À cause de créatures qui s'appellent les Langoliers, justement. Enfin, une créature que l'un des personnages appelle les Langoliers. Oui. Les Langoliers, c'est une des quatre nouvelles du recueil Four Past Midnight, qui a été divisé en deux pour sa publication française, Minuit 2 et Minuit 4, à cause de la longueur. Donc les Langoliers, c'est dans Minuit 2. La publication originelle en anglais, c'est 1990, donc c'est le deuxième recueil sous cette forme que King publie après différentes saisons. Mais contrairement à différentes saisons, Minuit 2, Minuit 4, c'est très centré horreur. Bon, faut dire que niveau longueur, rien que les Langoliers, on parle d'une nouvelle depuis tout à l'heure, mais ça fait plus de 300 pages dans sa version française. Donc, bon, nouvelle... Ouais, voilà. Même pas loin de 400... Dans l'édition qu'on a ici. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire je pense que des trucs qui sont appelés romans chez King, du style Carrie ou La petite fille qui aimait Tom Gordon, sont plus courts que Les Langoliers, en fait. Bah oui, c'est ça. Au bout d'un moment, faut se poser des questions. Si on l'appelle nouvelle juste parce qu'elle a été publiée dans un recueil comme ça. Parce que du coup, le recueil unique, donc comme il a été publié aux États-Unis, c'est plus de 1000 pages, en fait. Parce que là, rien que Minuit 2, donc, que j'ai dans la main, il fait pile-poil 600 pages. Ouais, alors en français, il y a moyen que ça dépasse les 1000 pages, ouais. Oui, parce que nos mots sont plus longs et tout, mais quand même, c'est du beau bébé. Ouais, c'est un beau volume. Dans la préface de la nouvelle, King dit qu'elle lui est venue d'une image, celle d'une femme qui aurait mis la main sur une fissure dans le fuselage d'un avion commercial, alors qu'il connaissait absolument rien aux avions commerciaux. Mais ça a été une écriture plutôt facile et c'est un récit dont il était satisfait à l'époque de la sortie, il le trouvait efficace. Par contre, par la suite, apparemment, alors j'ai vu cette information sur Wikipédia, mais dans un livre appelé The Essential Stephen King, il aurait dit qu'il trouvait avec le recul que c'était la moins efficace du recueil. Donc je ne sais pas, j'ai pas pu vérifier cette source moi-même, je ne sais pas quelle est la position exacte de King. Il a rapproché un peu cette nouvelle niveau ambiance de Brume, qu'il avait écrit quelque temps auparavant, et c'est pour ça qu'on retrouve le même tic avec les titres de chapitres super longs qui détaillent tous les événements qui se passent. Mmh. Ça fait un peu à l'ancienne. Ça fait un petit peu début d'épisode de Desperate Housewives. Oui, c'est vrai que ça faisait ça, ouais. Avec la narratrice qui te fait le previously. Hein. Bah, et puis je crois qu'il y avait des romans qui avaient des titres comme ça à une époque dans les romans de gare, mais je saurais pas te citer d'exemple. C'est possible aussi. Donc dans cette nouvelle aussi, on retrouve beaucoup d'archétypes récurrents de King, à commencer par l'auteur de Fantastique, qui va déduire plein de choses sur la situation. la petite fille handicapée, aveugle dans ce cas-là, qui possède un pouvoir qui évoque beaucoup le Shining, le méchant psychopathe, mais qui est utile quand même à l'équilibre du monde. Enfin, on est vraiment dans plein d'archétypes de King. Il y a aussi un alcoolique. À sa sortie, elle a été considérée, contrairement à ce qu'aurait dit King, comme la plus réussie du recueil par certains critiques, qui notamment notaient l'excellente idée de départ et la tension qui s'installe petit à petit. Il y en a d'autres qui lui trouvent des longueurs, mais globalement, ça reste une nouvelle vraiment appréciée. Et donc, on va pouvoir en passer à nos avis. Je t'écoute. Eh bien, écoute, je rejoins l'avis des gens qui ont grandement apprécié Les Langoliers, c'est également mon cas. Je la trouve bien écrite, bien maîtrisée au niveau de son rythme. Les personnages sont, comme on l'a dit, tous des archétypes de King, mais ils vont très bien tous les uns avec les autres, ils interagissent super bien entre eux. Leur histoire personnelle, parce que au fur et à mesure du récit, forcément on en apprend plus sur beaucoup d'entre eux, leur histoire personnelle est très intéressante et ça aide à créer un attachement entre le lecteur et eux. C'est-à-dire que même le personnage d'enfoiré qu'on a dans King à chaque fois, donc Craig Toomey, a quelque chose d'attachant et on comprend pourquoi il est là et on comprend les raisons de sa folie. Bah voilà, c'était très très bien. Je te laisse prendre la parole. Bon, je te rejoins là-dessus, c'est une nouvelle que j'aime vraiment beaucoup. Effectivement, on peut la rapprocher de Brume dans le côté des personnages, un groupe de personnages qui sont isolés à cause d'une menace extérieure qui se rapproche, mais je la trouve beaucoup mieux que Brume. En peut-être moins horrifique pour les Langoliers. Ouais, peut-être disais, un peu moins, ouais. Tu disais dans ton résumé tout à l'heure que Minuit est plus orienté horreur que 4 saisons. Pour le coup, le Langolier fait plus fantastique qu'un vrai récit horrifique. Oui, c'est ça. Ça fait pas mal penser à la quatrième dimension, en fait. Oui. Ça aurait carrément pu être un épisode, un concept d'épisode. C'est ça, tout à fait. Bah, rien que le concept même des Langoliers, en fait. Oui, c'est ça. C'est ultra quatrième dimension, c'est ultra fantastique. Mm. Et c'est une très très bonne idée. Ouais, c'est ça. Ça marche sur une très bonne idée. Je trouve que le rythme de la nouvelle est bon parce que les personnages en fait vont vraiment découvrir très progressivement ce qui va pas. C'est-à-dire ils mettent déjà longtemps à se rendre compte qu'effectivement tout le monde a disparu parce que c'est pas si évident que ça. C'est ça. Le fait de le découvrir à travers la petite aveugle en plus ça marche très bien parce que ça met tout de suite un gros coup de pression. Oui, et puis le fait qu'elle entende des trucs, tu sais, il y a toujours cette semi-légende urbaine comme quoi les aveugles ou même toute personne qui a un sens en moins voit tous ses autres sens décuplés. Fondamentalement, en fait, t'as cette légende urbaine dans la tête et t'aurais plus confiance à une petite aveugle qui te dit qu'elle entend qu'une menace est en approche. Oui. Bon, je crois que c'est relativement vrai comme légende urbaine. Enfin, c'est forcément que les autres sens sont décuplés, c'est qu'on y fait beaucoup plus attention. Oui, voilà, c'est surtout qu'on y fait plus attention, mais après, c'est pas non plus. Il n'y a pas une preuve scientifique qui atteste de cela. Non, mais. C'est pour ça que je qualifie ça de légende urbaine. Donc voilà, ça progresse très lentement, même une fois qu'ils atterrissent à l'aéroport, en fait, les Langoliers, on les voit pas tout de suite, et effectivement, on va en apprendre plus sur chaque personnage, mais il reste pas mal de zones d'ombre, tant sur les personnages que sur la menace elle-même, c'est-à-dire finalement, notamment le tueur à gages, Nick, on sait pas trop ce qu'il veut dire à la fin avec son histoire d'église et compagnie. Oui. Quand il demande à faire, parce qu'il va se sacrifier pour tous les autres à la fin, et quand il demande à faire passer un message à son père, il raconte une histoire d'église qu'on comprend pas bien, et je trouve ça bien qu'on ne sache pas tous les détails. Bah en fait, on sous-entend qu'il aurait tué un gamin il y a X années, et de nouveau, voilà. Ouais, c'est ça, mais on n'a pas tous les détails. On n'a pas tous les détails, effectivement. Mais oui, comme tu dis, j'aime beaucoup cet aspect très mystérieux à ce qui se passe, avec King qui réussit à créer des twists par-ci par-là, des retournements de situation, tout en également donnant des pistes et des vraies réponses sur le pourquoi du comment et sur qu'est-ce qui se passe exactement. Ouais. C'est très maîtrisé, c'est vraiment, ça fonctionne, à la lecture, ça fonctionne comme une série télé devrait bien fonctionner, quoi. C'est ça, ah oui, l'idée que, parce qu'en fait, la première chose dont vont se rendre compte petit à petit les personnages, c'est déjà que tous les bruits semblent assourdis quand ils sont dans l'aéroport, une fois qu'ils sortent de l'avion. Et après, ils se rendent compte qu'en fait, la nourriture perd son goût, que les boissons aussi perdent leur goût, que les allumettes s'allument plus, et qu'en fait, tout est en train de s'effacer, de perdre son énergie. Et l'idée est vraiment excellente, surtout qu'à côté de ça, il y a le fait que dans l'avion, qui est resté dans la temporalité normale, là, tout se remet à rattraper le temps. Mmh. Et ça, je trouve que c'est vraiment un très bon concept, et qui est bien utilisé en plus. C'est ça. C'est aussi, et ça m'a marqué à la lecture, c'est aussi un King avec énormément de fusils de Tchekhov, mais partout. Oui. Vraiment, tout le temps, tout le long, t'en as. C'est-à-dire, pendant tout le bouquin, t'as un personnage qui passe toute la nouvelle à pioncer. Pendant tout le truc, tu te dis, mais à quoi sert ce connard? Et à la fin, et ben voilà, il sert à quelque chose. Ouais, c'est lui qui fait prendre conscience que, à l'auteur qu'il va falloir qu'il dorme. Au moment où ils ont passé la brèche. Et c'est vraiment, ça m'a marqué vraiment comment il est rempli de fusils de Tchekhov. C'est très marrant au niveau construction. Ouais, elle est très bien construite comme nouvelle. Hein. Alors que King a plutôt tendance à avoir des constructions assez... chaotiques. Chaotique, ouais, c'est pas une critique, hein, ça fonctionne très bien dans l'ensemble, mais c'est vrai qu'elle est vraiment bien, elle est vraiment très carrée comme nouvelle. C'est pas une critique, c'est même son style à lui, hein, clairement. Et j'aime bien, par rapport au Langolier, en fait, on a des éléments de réponse, mais il nous manque le principal, à savoir, est-ce qu'ils existent vraiment indépendamment de l'existence de Craig Toomey, ou est-ce que c'est la panique et la folie de Craig Toomey qui, d'une certaine façon, soit les font apparaître et les amène, soit au moins leur donne cette forme. Et là, pour le coup, c'est à chacun son interprétation. Ouais. Là, vraiment, et c'est ce qui est appréciable. Ouais. Moi, personnellement, je les vois plus... Enfin, après, c'est mon interprétation, et c'est celle que je trouve fun et maligne. C'est les imaginer vraiment comme des créatures qui vivent en dehors de notre temporalité. En fait, leur mission, c'est de supprimer le passé, puisque le passé n'a plus lieu d'être, simplement. Oui, c'est ça. Bah, ça, je pense que... En fait, moi, je les interprète un peu... un peu comme des Gripsou. Non, ça. Ça existe... Mais ça a une forme qu'on ne connaît pas et ça prend la forme des Langoliers parce qu'il y a Craig Toomey qui a un peu fait ça dans la tête de tous les autres. Et après ça, oui et non, parce qu'on voit que dans un moment de délire, on voit que son père, quand il parle des Langoliers, il les décrit comme des créatures d'ampouilles rondes mais avec des toutes petites pattes. Alors que là, on voit que c'est des créatures qui n'ont pas de pattes, c'est juste des boules volantes. Donc même dans la description que le père en faisait, il y a des petites choses comme ça qui interfèrent. Alors après, du coup, est-ce que c'est une volonté de King pour brouiller les pistes ou pas? Je ne sais pas. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal d'ambiguïté. On ressort de cette nouvelle en ayant l'impression de pas avoir tout compris, et je trouve ça vraiment appréciable. Mais c'est pas une impression de pas tout compris, et c'est chiant, parce qu'on aurait dû comprendre, en fait. C'est pas tout compris parce que c'est voulu par l'auteur. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est pas comme... allez, on va faire un parallèle cinéma. C'est pas comme le cinéma de Monsieur Nolan, que Issam et moi... nous tape un petit peu sur le système, où le mec, en fait, a des concepts très simples et il fait tout pour les rendre compliqués pour que le spectateur se perde. Ouais, ça n'a aucun intérêt. Finalement, c'est normal qu'on comprenne pas tout, parce que les personnages eux-mêmes, ils sont largués là-dedans. Voilà. Ils font des déductions comme ils peuvent, et ils sont plutôt bons dans leurs déductions, d'ailleurs. Il y a aussi, ce qui est appréciable, c'est que chaque personnage va apporter sa pierre à l'édifice au fur et à mesure de la nouvelle. Chacun a sa fonction vraiment dans le groupe. Chacun aide à déduire quelque chose, ouais. C'est-à-dire, c'est vraiment le romancier qui fait la plus grosse part, parce que forcément, avec son esprit de déduction à lui, mais tous les autres, au bout d'un moment, servent. C'est-à-dire, l'idée de retourner dans l'avion pour tester, c'est Albert qui l'a. C'est ça. Voilà. Et ainsi de suite. T'as plein d'idées qui viennent d'autres personnages. Ce qui rend la cohésion de groupe attachante et puissante. Ouais. Parce que, mis à part Craig, en fait... On comprend pourquoi tous ces personnages-là s'entraident et ça fonctionne bien en fait. Il n'y a vraiment que lui, véritable électron libre et grain de sable dans la machine qui fait tout capoter dès qu'il est libre de ses mouvements. Quoi. Oui, c'est ça. Et finalement, il est quand même indispensable à la résolution parce que les Langoliers vont être attirés par lui en priorité. Ah oui, et c'est la gamine qui fait en sorte de l'amener, de l'amener dehors pour attirer les Langoliers pour pas qu'ils s'attaquent à l'avion. D'ailleurs, elle aussi, je trouve que c'est un bon perso, parce que pareil, on découvre petit à petit qu'elle a de plus en plus... c'est pas juste les sens surdéveloppés qu'elle a, il y a autre chose derrière. Un truc qui ressemble beaucoup au Shining. Et au final, c'est un personnage assez manipulateur, la gamine. Ah oui, bien sûr. Parce qu'avec Craig... Elle l'amène au suicide, quoi. Voilà, elle l'amène à se sacrifier sans le vouloir. C'est ça. Donc elle est... elle est limite un peu inquiétante sur la fin, en fait. Mais pour le bien de tous, après. Oui, c'est ça. Ah oui, elle le fait pas gratuitement, mais c'est un personnage qui a une ambiguïté par rapport à son pouvoir que j'aime bien, et qu'on retrouve un peu dans Charlie, d'ailleurs. C'est ça. Et dès le début, hein. C'est-à-dire que, vraiment, elle est liée à Craig dès le début de la nouvelle. Hein. Oui. C'est dès le début, elle sait qu'il faut pas lui faire du mal et qu'il sera utile par la suite. Alors après, on retrouve, du coup, ce côté un petit peu... on est tous liés par une destinée que King... peut avoir dans certains romans. En général, moi, c'est quelque chose qui a tendance à me saouler. le côté c'est ton destin, tu peux pas aller contre. Là, je trouve que ça fonctionne plutôt bien au final. Ouais, là c'est bien amené. Bah, il y a des moments, il l'amène bien. Après, c'est un truc important de son univers parce que c'est aussi un concept qui est au cœur de la Tour Sombre, hein, de toute façon, cette histoire-là. Bah, puis pour le coup, c'est un concept au cœur du Shining même. Ouais, aussi. Là, voilà, t'es destiné à l'avoir ou pas, quoi. Enfin, en supposant, c'est pas dit clairement, et on n'a pas plus d'informations que ça, donc en supposant que la gamine, ce soit le Shining qu'elle est en elle, voilà, c'est pas clair. C'est pas clair, mais il y a quand même des parallèles assez nets. Voilà. Mais ouais, tout un casting attachant, voilà, c'est ce que je reprochais un peu à Brume, moi, en comparaison, je trouvais les personnages moins attachants et plus ancrés dans leurs clichés, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Dans Brume, c'est vrai que... Il y a la psychopathe religieuse, bah c'est une psychopathe religieuse. Ouais. Il y a le bon samaritain, bah c'est un bon samaritain. Quoi. Alors que là, oui, les personnages sont beaucoup moins coincés dans leurs stéréotypes. Parce que même le pilote d'avion, au final, il a des regrets aussi par rapport à son passé. Oui, par rapport à son ex-femme, ouais. Tout ça. Qu'il aurait tapé lors d'une dispute conjugale. Oui. Très bonne nouvelle, c'est un peu sous-estimé, je trouve, parce que j'en entends quand même pas souvent parler. J'ai l'impression que c'est un texte qui passe un peu inaperçu chez King, en fait. Je pense que les gens ont plus en tête le téléfilm, du coup, plus que la nouvelle en elle-même. Ouais, encore, comme on va le voir, à mon avis, c'est pas le téléfilm de King qui est le plus retenu parmi toutes les adaptations qu'il y a eu. Non, clairement, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que je pense vraiment que c'est une nouvelle que... Enfin, du coup, c'est une histoire que les gens ont plus vue que lue. Ouais, ça c'est possible. Voilà, je pense que le téléfilm a plus été visionné que la nouvelle n'a été lue au final. C'est fort probable, ouais. Et après, je pense que globalement, c'est un petit peu le souci de... Et c'est pas que pour chez King, c'est un souci chez beaucoup d'auteurs, c'est le souci des nouvelles. Très souvent, les romans sont beaucoup plus flux que les nouvelles, je pense. Hein, j'ai pas ah bah oui, ça, King l'a jamais masqué, ses recueils de nouvelles se vendent moins bien, le format est moins populaire. À mon avis, les gens s'imaginent que nouvelles, donc histoire ramassée, donc moins de... C'est moins de choses à lire, quoi, alors que pas forcément, surtout quand on voit la gueule des nouvelles de King. Oui, c'est ça, non, mais même dans ses nouvelles normales, au final, vu qu'il en met 20-25 par recueil, il y a de la lecture. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que t'auras pas une grande histoire développée. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est ça qui rebute beaucoup de gens pour les nouvelles, quoi. C'est fort possible, ouais. Donc ouais, une bonne nouvelle, et moi j'ai rien d'autre à en dire. Ah, moi non plus, c'est très très bien. Bah allez, on passe à son adaptation. D'après le best-seller de Stephen King, un voyage à travers le temps et l'espace, jusqu'aux portes d'un autre monde. Quelque chose est là qui guette. Ce sont des prédateurs, implacables, affamés et d'un appétit sans limite. D'après le best-seller de Stephen King, Les Langoliers. L'adaptation, c'est une mini-série en deux parties qui est sortie en 1995 sur la chaîne ABC, réalisée par Tom Holland. Donc ABC, ça avait déjà fait des adaptations de King dans les années 90, puisqu'ils étaient déjà derrière ça, les Tommyknockers et le Fléau. On a déjà parlé du Fléau ici, pas encore des deux autres. C'est d'ailleurs pour ça qu'à la production, on va retrouver pas mal de noms en commun. Il y a Richard P. Rubinstein, qui était déjà sur Le Fléau et sur Cimetière, Michael Gornick, qui était déjà sur Le Fléau, et Mitchell Galin, déjà sur Le Fléau, Cimetière et Creepshow 2, dont on n'a pas encore parlé. Avec aussi un nouveau venu, David R. Capes, ou Capes, je sais pas comment ça se prononce. ABC continuera les adaptations de King dans les années 90, puisque après ça, il y a encore Shining, et c'est eux aussi qui sont avec les scénarios originaux de King sur La Tempête du Siècle, par exemple. D'accord. Donc ça a été une collaboration plutôt riche à cette époque, et à chaque fois des plutôt gros succès d'audience. Le réalisateur et scénariste, donc, c'est Tom Holland, qui est particulièrement actif dans le cinéma de genre. Mmh. Donc, il est réalisateur du... Son film le plus culte, je pense que c'est Jeux d'enfants, le premier de la saga de Chucky, ouais. Qu'il a co-scénarisé avec Don Mancini. Je pensais que Don Mancini était seul scénariste. Avec derrière son tout premier film, Vampire, où il avait dit Vampire. Oui, que je n'ai pas vu, mais qui est culte aussi. Ah, qui est très très bon. Il faudrait que je le voie un jour. Il est scénariste aussi de Psychose 2, qui est, paraît-il, vraiment pas mal, et de Class of 1984, dont j'ai pas mal entendu parler aussi. D'accord, oui, je vois. Je l'ai pas encore vu. Je l'ai, mais je ne l'ai pas encore vu. C'est ressorti chez ESC, ça, non ? C'est pour ça que je l'ai. D'accord, ouais, je l'avais vu passer. Hein. Donc voilà, c'est quand même un réalisateur qui n'est pas forcément considéré comme un grand réal, mais qui, mine de rien, a participé à pas mal de films qui ont leur réputation, qui sont devenus un peu cultes. Oui. Rien que Chucky, quoi, la saga de Chucky. Ouais, voilà, c'est rien que pour le premier Chucky, qui est un excellent film, très très bien fait. Même si lui renie totalement tous les autres. Oui, bah après, c'est vraiment Don Mancini qui va prendre la saga en main. Oui, ouais. Clairement. Jusqu'à devenir le réalisateur, d'ailleurs, des derniers opus. Des deux derniers, ouais. Ouais. Ou des trois derniers. Enfin, les deux derniers, je crois, ouais. Ouais. Quoique, à revérifier, peut-être les trois, c'est peut-être lui qui a fait Son of Chucky. On le retrouvera, nous, puisqu'il a aussi réalisé le film La peau sur les os, donc une autre adaptation de King. Outre quelques épisodes des Contes de la Crypte, il a aussi réalisé l'épisode Péché de jeunesse de la série d'anthologie Les Maîtres de l'horreur, mais je ne vois plus du tout quel est cet épisode. De quelle saison ? La saison 1. Ouais, ben j'ai pas vu l'intégrale de la saison 1. Donc, je ne vois pas. D'accord, à vérifier, parce que dans l'ensemble, c'est quand même une série qui tient plutôt bien la route. Oui, oui. Même s'il y a des épisodes dont je suis moins fan. Au casting, on a pas mal de second rôle et de figures connues du cinéma et du petit écran. Donc on va les lister parce qu'en plus, bah, tous les personnages sont à peu près au même niveau concernant leur importance. Dans le rôle du pilote Brian Engels, on a David Morse, qu'on avait déjà vu dans Cœur perdu en Atlantide. Il jouait la version adulte du héros. Là, il a un rôle beaucoup plus important et on le retrouvera de nouveau dans La ligne verte. C'est un acteur que, pour ma part, j'aime vraiment bien. Pareil. Dans le rôle de Don Gaffney, il y a Frankie Faison, un second rôle assez récurrent du cinéma américain, parce qu'il est apparu dans La Féline de Paul Schrader, qui est un très bon film, dans Chud de Douglas Cheek. Qui est très sympa, Chud. Ouais, ouais, ouais, un peu longué, mais très sympa. Dans Thomas Crown de McTiernan, dans My Blueberry Nights de Wong Kar-wai. Il joue quand même pour des gros noms. Ouais, c'est ça. Et il joue aussi le gardien d'Hannibal Lecter dans la trilogie de films qui est consacrée à Hannibal. Donc c'est celui qui l'amène et le sort de son isolement, enfin qui surveille, oui. Qui fait attention à ce que les autres se fassent pas manger. Oui, ça serait ballot. Ce serait bête. Et c'est un acteur récurrent aussi des séries The Wire, Grey's Anatomy et Banshee. Je pense que c'est plutôt par là qu'il est devenu éventuellement connu. Regardez The Wire. Ouais, effectivement. Ah, vous n'entendrez pas souvent Issam dire du bien d'une série télé, alors. Non, mais The Wire, c'est très très bien. En plus, il y a aussi Idris Elba. Oui, c'est vrai. Il y a vraiment du beau monde. The Wire, quoi. Nick, donc l'agent secret tueur, est joué par Mark Lindsay Chapman, qui a joué Anton Arkan dans la série Swamp Thing des années 90. Je me suis dit que toi, tu saurais qui c'est. Alors, pas du tout. D'accord. Tu connais pas Swamp Thing ? Bah, je connais le personnage, mais je ne savais pas qu'il y avait une série dans les années 90. Bah, il y en a une, et apparemment, Anton Arkan, c'est un personnage important parce qu'il apparaît dans beaucoup d'épisodes. Mais il y a eu un film également ? Ouais. Il y a une production Wes Craven, il me semble, qui était vraiment pas terrible. Je l'ai pas vu. Mais non, une série télé, non. D'accord. Je comptais sur toi, pourtant, mais tant pis. Tu sais, les séries télé de l'univers DC Comics de cette époque-là, c'était un petit peu... Voilà. Ah oui, non mais c'était pas fameux, hein. Ça je me doute, je m'attendais pas à ce que ce soit du génie, mais je me disais que t'aurais peut-être vu comme ça, juste par intérêt personnel. Mais sinon, donc non, l'acteur n'a rien de bien notable dans sa filmographie. Laurel, donc, qui est l'enseignante du groupe, est jouée par Patricia Whiting, une actrice régulière à la télévision, qui est apparue dans des rôles plus ou moins importants dans pas mal de séries. Une qui s'appelle Brothers and Sisters, et en plus connue Prison Break, Alias... Ou Génération Pub. Ah. Voilà. Oui, je sais, ça donne pas très envie. C'est Génération Pub, c'est le nom québécois pour Mad Men. Je sais plus quel est le nom, c'est un truc... Ça a aussi été appelé Nos Plus Belles Années, je crois, en France, un truc comme ça. Ça a l'air naze. Dans le rôle de Bob, donc l'auteur de SF, on a Dean Stockwell, qui était actif depuis un bon moment, depuis les années 40, et qui, relativement tôt dans sa carrière, avait reçu 2 prix d'interprétation à Cannes, alors partagé avec d'autres membres du casting à chaque fois, pour Le génie du mal de Richard Fleischer, et pour Un long voyage vers la nuit de Sidney Lumet. Et je précise ça parce que ça fait lui un des 3 seuls acteurs de l'histoire à avoir reçu 2 fois ce prix. Ah d'accord. Aux côtés de Jack Lemmon et Marcello Mastroianni, quand d'accord. même. Son rôle le plus connu aujourd'hui, c'est celui d'Al Calavici dans Code Quantum. C'est, ouais. tu sais, celui qui donne les... Enfin, mais l'assistant, le... en fait, le major assistant. Mais il a aussi joué dans Battlestar Galactica. Et là aussi, je compte sur toi, son rôle, c'est numéro 1, frère John Cavill. Moi, ça me paraît très obscur, quand même. Oui, je le vois. Mais Battlestar Galactica, c'est extraordinaire. Ça. J'ai pas adhéré, moi, à cette série. Oh là là. J'en adore les musiques, par contre, de Bjorn McCreary, ça, c'est génial, mais la série... Bjorn McCreary, en général. Ouais. C'est quand même très bon. Et il a joué aussi dans un paquet de films, dont Paris, Texas, de Wim Wenders. Dans le rôle d'Albert, il y a Christopher Colley, qui est en dehors de ça surtout un acteur de doublage, notamment dans Pokémon. Il est sur plus de 600 épisodes de doublage de Pokémon en Angleterre. Ah tiens. Voilà. Il double qui ? Il double un champion d'arène, champion Pokémon Pierre, un truc comme ça. Je m'en fous de Pokémon. J'ai pas creusé. C'est lui qui double Pierre ? Non, pas Pierre, mais un personnage avec Pierre dans le nom quand même. Ah, d'accord. Je sens que je vais me faire massacrer par les fans de Pokémon qui nous écoutent, s'il y en a. Attends, ma compagne arrive. C'est vrai que, effectivement, je m'excuse auprès d'elle. Dans le rôle de Rudy, on a Baxter Harris, dans celui de Bethany, Kimber Riddle, et dans celui de Dina, Kate Maberly, qui ont une carrière plus réduite, donc j'insiste pas sur eux. Mais un peu la star du film, de par son interprétation, c'est Bronson Pinchot, dans le rôle de Craig, qui a pas mal joué à la télévision et un peu au cinéma, surtout dans des petits rôles. Il a aussi fait pas mal de doublages et a doublé et a lu pas beaucoup de livres audio. Dont des livres Pokémon. Pas que je sache ça. Mais il a reçu des prix pour ses lectures de livres audio, par contre. Apparemment, il est vraiment bon dans ce domaine-là. Son plus gros crédit en tant qu'acteur, ça semble être dans une série, dans une sitcom appelée Larry et Balky, diffusée à la fin des années 80, début 90. Et il a aussi joué dans Le flic de Beverly Hills et Notre plus belle famille. Notre belle famille, pardon. D'accord. Voilà. Et alors, c'est assez rigolo parce que j'ai vu une très courte vidéo. Pas making of, mais des journalistes qui sont allés sur le tournage de la série, et c'est lui qui fait un peu la visite guidée du tournage. Il cabotine autant dans la vraie vie que dans le film. C'est, tu le vois notamment, la gamine qui joue Dina, t'as l'impression qu'elle est à moitié fascinée, à moitié effrayée par le mec. C'est assez rigolo à voir. Non mais lui, il a dans le téléfilm, il a des moments tellement Nicolas Cage. Ah oui, carrément. Pour moi, c'est du Nicolas Cage en un peu low cost, mais c'est du Nicolas Cage. Ça. Oh, c'est ça. Et on y reviendra, mais j'adore ce genre de performance. La série a été en bonne partie filmée dans l'aéroport de Bangor dans le Maine, donc là où se passe vraiment l'intrigue, ce qui est le seul truc qu'en retient vraiment King aujourd'hui, sinon il a un peu oublié ce que ça valait, il est même pas sûr de l'avoir vu en entier. Mais il est content que ça soit fait par chez lui, c'était un truc dont il rêvait depuis un moment. Ça lui a permis de faire son petit caméo pour pas très cher. C'est ça, en plus, du coup il fait un petit caméo assez rigolo. Le directeur de la photo, c'est Paul Maybaum, qui est très actif à la télévision sur plein de séries, dont Sons of Anarchy, mais qui a quasiment rien fait au cinéma. Je trouve sinon assez peu d'informations sur la production en elle-même. Dans un podcast récent, Tom Holland a dit qu'il était plutôt satisfait du téléfilm et de la performance du casting, mais qu'il trouve les effets spéciaux horribles, expliquant qu'à l'époque on en était quand même encore relativement au début des effets CGI, et qu'il n'avait pas un budget énorme. Et c'est pour ça qu'il pense aussi qu'il y aura un remake un jour des Langoliers pour améliorer notamment cet aspect-là. Et dans le podcast du Roi Steven consacré au Langolier, une intervenante dit que l'équipe des effets spéciaux numériques, qui était supervisée par Thomas Barham, ne savait pas exactement ce qu'elle faisait au départ, ce qui n'a pas aidé parce que la description des Langoliers dans le livre est effectivement pas méga claire. C'est volontaire, mais elle n'est pas très précise en fait. Donc ça n'aidait pas à les créer comme il faut. Les musiques, enfin, sont de Vladimir Orunzi, un compositeur d'origine hongroise qui a composé un certain nombre de BO, mais qui est visiblement surtout un musicien de jazz, assez réputé dans son domaine, mais je m'y connais pas trop en jazz. Dans CBO, moi je connais à peu près rien, à part un film appelé Lambada, la danse interdite, mais c'est parce qu'il est chroniqué sur Nanarland. Voilà. En même temps, avec un titre pareil, à quoi on pouvait s'attendre, quoi. Oui. Les musiques des Langoliers, c'est sympathique, c'est des synthés. Ça marche. Je trouve pas ça méga mémorable, mais ça marche. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Oui, non, c'est pas extraordinaire. Mais voilà, ça s'écoute. On n'est pas au niveau Mangler 2 ou Dr. Sleep, encore une fois, voilà. Oui. C'est déjà bien. Et la réception critique du téléfilm a été mitigée, et le reste aujourd'hui, malgré un succès d'audience plus qu'honorable, il est souvent considéré comme trop long, avec beaucoup trop de dialogues explicatifs et des effets spéciaux approximatifs. En même temps, 3 heures. Hein. Ouais, c'est ça. Mais comme tous les trucs ABC Adapted King, voire c'était plus long hein, dans le cas du Fléau. Oui. Ah, le Fléau, c'était une vraie série avec plusieurs épisodes, là, il y en a que deux. Il y en a certains qui disent que la performance de Pinchot en Craig est la meilleure du film, et d'autres considèrent que c'est ce qui fait sombrer le film dans le nanar. Bon, d'une certaine façon, ça veut aussi dire que c'est la meilleure performance, mais pas pour les mêmes raisons. Oui, voilà. Et aujourd'hui, la série a tout pile 50% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui la place 10e à égalité dans les trucs qu'on a déjà traités avec Cimetière et Détour Mortel, et 3,6 étoiles sur Halluciné, ce qui la place 3e à égalité avec Dr. Sleep. Au niveau de la fidélité, c'est globalement extrêmement proche du livre. Il y a un personnage qui est supprimé, bah celui qui est endormi pendant ouais, toute l'intrigue, c'est ça. Ça peut se comprendre. La violence et la vulgarité sont pas mal atténuées pour pas avoir de problème avec la censure télévisuelle. Il y a une introduction qui est rajoutée, qui expose un peu plus rapidement les personnages, et notamment le personnage de Nick. On apprend beaucoup plus rapidement dans le téléfilm qu'il est plus ou moins agent secret. Alors que dans la nouvelle, ça vient petit à petit aussi, ça. Et il y a des scènes de rêve qui sont supprimées, mais sinon, enfin, on est parfois au mot près dans l'adaptation. C'est de tout ce qu'on a traité, je pense que c'est ce qu'il y a de plus proche du texte original avec le remake des Enfants du Maïs. Ouais, clairement. La dernière information que je vais vous donner est que notre destination est maintenant Bangor, dans le Maine. Quoi ? Les instruments de contrôle des réacteurs et de la navigation sont opérationnels. Mais je ne peux pas en dire autant pour mes instruments de communication avec l'extérieur. Étant donné cet état de fait, Bangor International Airport est notre pari le moins risqué. Bah, quoi ? J'ai une réunion de la plus haute importance à Boston à 9h précise, nom de Dieu ! Et je vous interdis, commandant, de mettre la moindre roue sur Bangor Airport ! Est-ce que vous m'entendez ? Vous pourriez parler moins fort. Vous effrayez cette jeune fille. J'effraie la jeune fille ! J'effraie la jeune fille ! Écoutez, madame, on va se retrouver dans un minable aéroport au milieu de nulle part, et vous croyez que je n'ai pas d'autre chat à fouetter que d'effrayer cette jeune fille ? Arrêtez, vous allez vous asseoir et la fermer, sinon je vous balance un marron ! Tout seul, t'as vraiment aucune chance, pauvre crétin ! Il ne sera pas tout seul. Je vais vous en coller une, moi aussi, si vous voulez pas la fermer. Oh, j'ai vraiment la trouille, maintenant, arrêtez ! Je me joindrai à eux si vous la bouclez pas, je vous jure que je le ferai. Et on va pouvoir passer à nos avis. Je te laisse la main. Eh ben écoute, Les Langoliers, le téléfilm, enfin la mini-série de Tom Holland, effectivement c'est très long, c'est un peu trop long, ça aurait gagné à être condensé. En fait, c'est globalement sauvé par les acteurs, parce que niveau intrigue, dialogue, bah vu que c'est tellement fidèle que forcément ça peut être que bon. Ouais. Parce que c'est. Voilà, le matériel de base est déjà là et tu reprends exactement le matériel de base niveau intrigue, donc voilà. Je suis d'accord avec le fait qu'il y a des trucs un peu trop explicatifs qui passaient en roman, mais un peu moins en téléfilm, mais pas tant que ça. Mais voilà, et du coup, ce qu'apporte ce téléfilm, bon, en plus de la réalisation de Tom Holland, bon, là on est sur de la télé donc c'est pas aussi génial que ce qu'il a pu faire dans Vampire, vous avez dit Vampire et dans Chucky, mais c'est loin d'être dégueu non plus. Ouais, c'est ça. Bah en fait, le truc, c'est qu'il y a plein de moments où on sent le manque de budget, où il fait beaucoup de gros plans, voilà. Un peu cache-misère. Mais dès qu'il va faire des plans un peu plus larges, je trouve qu'il exploite pas mal son décor. Hein. Mais clairement, c'est le vrai défaut de tout ça, c'est le manque de budget. Là, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit au début, qu'il faut pas oublier qu'à l'époque, les CGI ont été qu'au tout début. L'Angolier, c'est 95. En 91, on a eu Terminator, le deuxième, avec ouais. Des effets extraordinaires sur le T-1000. Ouais, certes, mais en c'était 93, quand même on a eu les Vélociraptors de Jurassic Park. Les Vélociraptors, c'était surtout les animatroniques, ça, non ? Ah non, il y en a qui sont en synthèse. Ah oui, peut-être. Ceux dans la cuisine, c'est que de la synthèse. Ouais. Donc du coup, tu dis ah, quand même. Ouais, après, je pense qu'il avait pas le même budget. Faut oui, pas mais, prendre ça mais en compte. Du coup, le problème, c'est le budget. C'est pas la qualité qu'on faisait. Parce que c'est ce qui sous-entend dans l'interview. Ouais, effectivement. C'est ce qui sous-entend, c'est que le souci était la technique. Alors que non, pour le coup, le souci, c'est le budget qu'il a eu. Peut-être ce qu'il voulait dire, c'est qu'à l'époque, c'était cher d'en faire des biens, alors qu'aujourd'hui, avec le même budget, il y a moyen de faire des trucs corrects plus facilement. Ça, je veux bien comprendre. Ouais, globalement, je suis assez d'accord avec toi. C'est... La photographie aurait pu être plus soignée. Ça aurait encore plus amené de valeur ajoutée aux quelques moments où il y a des plans larges dans l'aéroport que je trouve vraiment cool. L'interprétation, il y en a certains qui reprochent, notamment le podcast du Roi Steven que j'ai écouté, reproche l'interprétation pour certains des intervenants. Moi, je la trouve cool, hein, la plupart font bien le boulot et sont assez attachants. Et il y a Craig Toomey qui est en total roue libre, que t'as limite l'impression qu'il est pas dans le même film que les autres, mais vu que son personnage est isolé du groupe, ça fonctionne bien. Et moi, j'aime bien ses performances un peu excessives. Bah, je suis un grand fan de Nicolas Cage, moi, c'est un acteur que j'adore. L'acteur qui joue Toomey, il est totalement fou. C'est ça. Quand il est recouvert de sueur, là, qui déchire ses feuilles de journaux. J'ai l'impression qu'il a des orgasmes avec ses feuilles de journaux. Oh là là. Alors, fun fact, je vis avec une personne qui fait pareil. je sais pas si je pourrais, parce que c'est effectivement insupportable. Qui déchire comme ça doucement les papiers, qui en fait des petites boules. Voilà. Donc, du coup, je ne sais pas si je dois être en confiance ou pas. Après avoir vu ce film et avoir lu la nouvelle. Je ne sais pas. Méfie-toi peut-être. Je vais me méfier si elle m'en regarde des yeux. Lui laisse jamais 42 millions de dollars. Et voilà, c'est ça. Mais ouais, même quand il se met à brailler, à courir partout, à se rouler par terre, enfin moi j'aime bien ce truc-là. C'est... Parce que oui, le personnage de toute façon devient fou, donc ok, moi ça me va. Surtout qu'il l'assume. Je trouve du coup que limite sa folie arrive un petit peu trop vite dans le film. Oui. Tu vois, dans le roman, c'est amené un petit peu plus de manière subtile, alors que dans le film, c'est ils sont là, ils atterrissent, il est fou. C'est direct. Oui, voilà, déjà dans l'avion, il est pas net. Hein, déjà dans l'avion, il est pas net, mais là, dès qu'ils atterrissent, il est fou, ça y est. Il a pété une durite. Ouais, il est complètement psychopathe. Apparemment, l'acteur a des performances comme ça de manière régulière. Hein. Il est plutôt excessif dans son jeu de base. Et puis les autres, voilà, c'est... ils jouent bien, quoi. Oui, clairement. Il n'y en a aucun... Même le téléfilm en lui-même, le rythme est plutôt bon. Ouais. C'est juste que c'est quand même 3 heures, quoi. Oui. Faut se les coltiner. Et clairement, ça aurait gagné être un peu plus ramassé et voir à virer quelques passages qui n'apportent pas grand-chose, quoi. Oui, c'est ça. Mais bon, j'imagine que ça, c'est une raison de contrat avec ABC aussi. Voilà, qui voulait deux épisodes de 1h30 pour envoyer faire deux soirées consécutives dans la semaine. Ouais. Et voilà. Alors, contrairement à plusieurs adaptations télévisuelles comme ça qu'on a vues, là, j'ai pas vu, ils ont dû remonter un peu pour la version DVD, parce que j'ai pas vu où étaient les coupures pub et où était la séparation entre les deux épisodes. Enfin, je peux le deviner, mais je trouve pas qu'elle soit trop marquante. Ah, y a un moment quand même où... Il y a un moment où t'as un fond du noir, et puis après, quand ça revient, t'as plusieurs plans successifs sur l'aéroport. Je pense que c'est là qu'a lieu la coupure. Je pense, mais c'est plus subtil que ça l'était, par exemple, dans La Tempête du siècle, où là, on voyait quand même très nettement où avaient été les coupures. Ils ont dû refaire un minimum de remontage. La Tempête du siècle, c'était même flagrant. Ouais. Ça sortait aux yeux. Même Kingdom Hospital, d'ailleurs. Mm. Ouais, voilà, tu vois, par exemple, comparé au Fléau, ou même à La Tempête du siècle, ou à ça, quand je l'avais vu, j'ai... voir les 3 heures d'un coup. C'est, oui, il y a des longueurs, mais j'ai regardé les 3 heures et j'ai été diverti sans souci. Ouais. Tandis que les autres, j'avais fait une pause entre les épisodes, voire même, il y en a, je les ai finis en accéléré. Hein, je les ai finis en 1.5. Et l'angolier, le moment le plus terrorisant, c'est quand même quand ils sont dans l'avion et que tu te rends compte que le film qui va être diffusé, c'est Dr. Sleep. Là, tu te dis, putain, les mecs, ils ont pas de chance. L'horreur complète, la Kingception. T'imagines, t'es bloqué dans un avion à plusieurs centaines de mètres d'altitude et t'as Dr. Sleep. Comme seul et unique film, en version longue, attention. Il y a quelque chose qui va pas avec cette vitre. Dina. Chut. J'entends un truc bizarre. Y a rien dehors. Dina, tu imagines des choses, c'est tout. Dis-nous ce que tu entends. Je sais pas exactement. C'est très léger. Je l'ai déjà entendu quand on est sorti de l'avion. Je me suis dit que j'inventais, que c'était mon imagination. J'entends ce bruit à travers le carreau maintenant. Ça fait comme... Oui, ça fait comme les Rice Krispies quand on a versé du lait dessus. Vous entendez quelque chose ? Non, pas un souffle. Ça ne m'étonne pas, elle est aveugle. Elle doit faire travailler ses oreilles au-delà de leur capacité. Je crois que c'est une hystérique. Vous entendez quelque chose ? Non, pas un souffle. Ça ne m'étonne pas, elle est aveugle. Elle doit faire travailler ses oreilles au-delà de leur capacité. Je crois que c'est une hystérique. Dina, enfin, de quoi tu parles ? Eh bien... J'étais en train de parler avec Nick et elle a entendu ce qu'on disait. T'as de sacrées oreilles, toi. Et alors, j'entends ce que j'entends. Et je sais que ce bruit vient de là-bas. Dans cette direction. Et c'est affreux. C'est un bruit terrible qui vous fout la pétoche. Et autant les effets spéciaux sont pas top, autant le ciel est joli, je trouve, quand l'avion est dans la nuit à la fin. Oui. Je trouve qu'il y a un truc dans l'aspect du ciel. Mmh. Et même les langoliers, en fait, c'est involontaire, mais le fait qu'ils soient mal faits, ça donne vraiment l'impression que c'est des trucs qui devraient pas exister, qui sont pas à leur place. Ouais, qui sont issus d'une autre ouais. Une dimension, d'un autre espace-temps. Ouais. Alors, je vois ce que tu veux dire, mais en l'occurrence, c'était pas voulu. Non, c'était pas voulu, mais... Donc bon. C'est comme si j'ai presque considéré ça comme un neuro-accident, qui aurait pu être mieux maîtrisé, hein, bien sûr, mais... Parce mais... que, niveau physique, il y a un truc qui va pas, ils ont des trop grandes bouches par rapport à leur corps. Mais leur design, par contre, est top. Ouais. Vraiment. Bah, d'ailleurs, des... il est repris sur certaines couvertures, bah, sur ta couverture du recueil, c'est à peu près le même design voilà. En dessin. Alors que, bah, du coup, c'est lui qui... Enfin, c'est... Pour toutes les prochaines adaptations, s'il y en a, ça sera ce design qui sera repris, quoi. Je alors pense. Que, clairement, il n'y avait pas de design prédéfini avant. Non, vu que, ouais, effectivement, King reste plutôt flou. Plutôt flou sur à quoi il ressemble. Parce que même dans le roman, à plein de moments, t'as l'impression que c'est juste des toutes petites boules, alors que là, ça a l'air c'est des trucs assez gros, quoi, vraiment. Ouais. Genre, ça pourrait, bah, ça peut gober un humain d'une seule bouchée, quoi. Mais oui, leur design est top. Vraiment, avec un peu plus de moyens dans les effets spéciaux, ça aurait pu être vraiment flippant, quoi. Ouais. Avec leur bruit métallique. Il y a quelques beaux moments aussi entre les personnages, notamment quand ils se rendent compte que les bières et les sodas regagnent leur goût dans l'avion. Je trouve ça joli quand ils trinquent ensemble. Donc ouais, c'est une adaptation, c'est loin d'être un chef-d'œuvre, mais pour moi on est quand même très loin au-dessus de pas mal de trucs qu'on a vu et de pas mal de trucs beaucoup plus appréciés dans l'ensemble, quoi. Oui, clairement, même si voilà, y a des défauts, il y a des moments un peu qui dans le roman sonnent bien et là qui sonnent ridicule. La confrontation entre Toomy et Albert quand l'autre fait sa fronde avec un grippin là, ben, autant dans le roman ça passe bien, autant dans le téléfilm c'est vraiment ridicule. C'est ouais. Bah on sent que l'acteur qui joue Albert n'est pas méga à l'aise avec sa fronde. Oui. Déjà, ça aide pas. Bah, ils n'ont pas dû avoir beaucoup de temps pour mettre en place la cascade, ça en est une. Oui, voilà, c'est ça. Donc, ça donne pas terrible. Non, c'est vraiment ridicule, quoi. Même au-delà du fait que, du coup, l'aspect violent de la chose soit atténué. Mm-hmm. Parce que dans le roman, l'autre, il a plus de gueule après, quoi. Il est bien déformé. On nous fait bien comprendre qu'il a la mâchoire de travers qui ressemble plus à rien. Ouais. Bon là, c'est juste boum. C'est comme s'il prenait un coup de maillet sur la tête, quoi. Mais bon, après ça, c'est le format ABC qui veut ça, malheureusement. Ouais. C'est un peu le souci de toutes ces adaptations. Hein. Faut que ce soit un peu family friendly. Et voilà, si c'est pas au cinéma, forcément. Surtout à l'époque. Oui, maintenant à la télévision, je pense que l'adaptation du fléau, elle risque d'être bien comme il faut. Hein, ça, oui, y a pas de souci. Ça devrait être un peu plus violent. Hein. Mm-hmm. C'est la télévision, c'est lâché, quoi. Disons que des séries comme Walking Dead ont fait le ménage un petit peu et ont montré qu'on pouvait faire de la bonne violence bien faite à la télé. Voilà. Maintenant, du coup, les mecs se lâchent un peu plus, quoi. Tant mieux, parce que c'est vrai que ça devient un peu limitant, quand même. Ah oui, clairement. Mais donc oui, hein, c'est pas mauvais, mais c'est pas extraordinaire non plus, quoi. Alors, il y a un an, je me suis posé une question, je vais peut-être le chercher beaucoup trop loin, hein, mais à la toute fin du téléfilm... quand ils repartent, quand ils sont rentrés chez eux et qu'ils repartent, il y a le personnage de Bob qui dit que la prochaine fois il prendra le train. Et en anglais il dit slow train, donc un train lent. Et je me suis demandé si c'était pas une référence parce qu'il y a un album de Bob Dylan qui s'appelle Slow Train Coming. Ah, peut-être. Voilà. Mais je vais peut-être la chercher beaucoup trop loin celle-là, mais peut-être, ça m'y a fait penser. Et c'est un des derniers bons albums de Bob Dylan avant qu'il vire dans sa période chrétienne chiante. D'accord. Voilà. Moi, je voudrais juste souligner cette image de fin figée, totalement ridicule. Ouais, c'était la mode à l'époque. C'était la mode à l'époque. Comme dirait l'autre. C'était la mode à l'époque. Voilà, magnifique. C'était un petit peu ridicule. Mais par contre, à la fin, il réussit. Ouais, le retour dans l'aéroport, en respectant ce qu'avait fait la nouvelle aussi. Voilà, parce que ça marche bien. On n'en a pas parlé de la nouvelle et... Parce qu'on critique souvent King sur ses fins un petit peu rapides, expéditives, ou même des fois totalement nulles. Là, pour le coup, les Langoliers, c'est réussi. Oui. Même la fin de la nouvelle est très réussie, elle est vraiment très chouette, elle est bien amenée, elle est cool, ça termine bien. Oui. On n'est pas sur du... alors que, vraiment, ça termine semi-bien, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de morts. Oui, mais je veux dire, les personnages vont retrouver leur temps. Tu vois, moi, je pensais qu'au bout d'un moment, on allait nous faire comprendre que, ah ben non, en fait, ils vont y rester, tu sais, ils vont... Oui. Le passé va les rattraper aussi, quoi. Mais non, pas du tout. Non, à la fin, pour le décrire à ceux qui seraient encore là sans avoir lu, en gros, ils retournent et ils repassent la faille temporelle. L'un d'entre eux est obligé de se sacrifier, Nick, donc le tueur, parce qu'il va rester réveillé pour diriger l'avion. Ouais. Craig Toomey a été sacrifié. Il y en a un autre qui est mort. Don est mort. Dina est morte aussi. Et les autres reviennent dans leur époque, mais au début, ils arrivent un peu trop tard, ils arrivent dans un futur proche, et en fait, ils se font rattraper par le présent, donc le temps apparaît petit à petit devant eux, et c'est vrai que c'est une assez jolie fin. Et c'est... Vraiment, visuellement, elle est tout aussi réussie que dans le roman. Ouais, c'est bien fait à ce niveau-là. Avec l'éclat des couleurs de partout, le son qui commence à arriver avant les images, c'est très malin. Donc ouais, moi c'est tout ce que j'ai à en dire, je vous incite quand même à voir ça, si vous avez une après-midi à passer, franchement, ça fait le taf. Oui, clairement, c'est plus à lire qu'à voir, mais quand même. On passe à un petit extrait. Allons-y. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do. Très bien, donc pour l'extrait, nous avons choisi la toute fin de la nouvelle, enfin quasiment la toute fin, il reste 2-3 pages après, quand les passagers survivants sont revenus à l'aéroport et se rendent compte qu'ils sont un peu dans le futur et que le temps va les rattraper. Et donc nous lisons Minuit 2 en édition Le Livre de Poche, et c'est traduit de l'anglais par William Olivier Desmond. Voilà. Desmond, un personnage de Lost, donc regardez Lost, c'est très bien. Et traducteur de beaucoup de King. Je croyais que t'allais dire quelque chose sur Lost, fais attention à toi. Non, non, j'aime pas ça, mais tout le monde a le droit d'avoir des goûts de chiottes. Ah oui, oui, bah oui, t'as raison, t'as le droit d'avoir des goûts de chiottes. Bonjour, alors. Alors. Par ici, tonna Bob. Il les entraîna vers le mur qui jouxtait le couloir par lequel ils étaient arrivés dans le terminal. C'était une zone réservée aux passagers et délimitée par un cordon de velours rouge. Bob sauta par-dessus aussi facilement que le coureur de 110 mètres est qu'il avait peut-être été au temps de ses études. « Tous contre le mur ! Tous contre le mur, bande d'enfoirés !» rugit Albert, pris d'une crise soudaine et incontrôlable de fou rire. Suivi des autres, il rejoignit Bob, et tous se pressèrent contre la paroi. On aurait dit une bande de suspects alignés par la police. Dans le hall circulaire désert qui s'étendait devant eux, les couleurs flamboyèrent quelques instants, puis commencèrent à s'estomper. Le bruit, néanmoins, ne cessa ni de croître, ni de prendre de plus en plus de réalité. Brian crut distinguer des voix, des bruits de pas, des cris de bébé. « Je ne sais pas ce qui se passe !» s'écria Laurel. « Mais c'est merveilleux !» Elle riait et pleurait à la fois. « J'adore ça !»« Pourvu que nous soyons en sécurité ici !» dit Bob, qui dut élever la voix pour être entendu. « Mais je crois que oui, nous nous trouvons en dehors des zones les plus encombrées. »« Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Brian. « Que savez-vous au juste ?»« Lorsque nous avons franchi la déchirure temporelle, à l'aller, nous avons remonté le temps vers le passé. » Sur pas plus de 15 minutes, peut-être, cria Bob. Je vous l'avais dit, vous vous en souvenez? Brian acquiesça, et le visage d'Albert s'éclaira soudain. Cette fois-ci, le passage par la déchirure nous a amenés dans l'avenir, s'exclama le jeune homme. C'est ça, hein? C'est bien ça! Dans l'avenir! C'est ce que je crois, répondit Bob sur le même ton. Un sourire irrépressible lui tira les lèvres. Et au lieu d'arriver dans un monde mort, un monde qui a continué d'avancer sans nous, nous venons de débarquer dans un monde qui va naître bientôt. Un monde aussi frais et nouveau qu'une rose sur le point de s'ouvrir. C'est ce qui se passe en ce moment, à mon avis. C'est ce que nous entendons, c'est ce que nous sentons. C'est ce qui nous remplit, malgré nous, de cette joie merveilleuse. Je crois que nous allons assister à un spectacle dont jamais encore un être humain n'a été le témoin. Nous avons vu comment mourait l'univers. Nous allons sans doute voir maintenant comment il naît. Je crois que le présent est en train de nous rattraper. De même que les couleurs avaient quelques instants flamboyés avant de s'estomper, de même s'estompa soudain le bruit, dans ses aspects les plus retentissants. En même temps, les voix qui s'y trouvaient comme enquistées devinrent plus fortes et plus claires, et Laurel s'aperçut qu'elle distinguait des mots, et même des fragments de phrases. « Il faut que je l'appelle avant qu'elle décide. Je ne crois vraiment pas que cette option soit viable. Si seulement on pouvait refiler le bébé à la société mère. » Cette dernière phrase leur parvint distinctement, d'en face d'eux, de l'autre côté du cordon rouge. Brian Engel éprouva l'impression qu'une sorte d'extase montait en lui, et l'inondait dans une lumière éclatante d'émerveillement et de bonheur. Il prit la main de Laurel et lui sourit, tandis que la jeune femme lui rendait farouchement son étreinte à côté d'eux. Albert serra soudain Bethany dans ses bras. L'adolescente se mit à le couvrir de baisers, tout en riant aux éclats. Bob et Rudy se souriaient avec ravissement, comme deux anciens amis que le hasard avait fait se rencontrer, après de nombreuses années, dans un invraisemblable trou perdu. Au-dessus de leur tête, les rectangles fluorescents commencèrent à briller les uns après les autres, en partant du centre, en une série de cercles concentriques. Ils inondèrent le hall et la galerie, et dissipèrent les dernières ombres, troupeaux de brebis noires, s'égaillant et s'évanouissant. Les odeurs frappèrent tout aussi brusquement les narines de Brian. Transpiration, parfum, lotion après rasage, eau de cologne, fumée de cigarette, savon, désinfectant industriel. Quelques instants encore, le vaste cercle du terminal resta désert. Un lieu hanté par les voix, le bruit de pas et les odeurs de pas tout à fait vivants. Et Brian songea. Je vais voir ça se produire. Je vais voir le présent mobile se verrouiller sur ce futur stationnaire et l'entraîner, à la manière dont les crochets, sur les trains express, cueillaient les sacs postaux qui pendaient au bout de leurs perches dans les petites villes endormies du sud et de l'ouest. Je vais voir le temps lui-même s'ouvrir comme une rose par un matin d'été. « Accrochez-vous !» murmura Bob. « Il y aura peut-être une secousse. » Une seconde plus tard à peine, Brian sentit en effet quelque chose qui le secoua, non pas seulement au niveau des pieds, mais de tout le corps. En même temps, une main invisible sembla lui donner une forte poussée dans le milieu du dos. Il se plia en deux et vit Laurel en faire autant. Albert dut rattraper Rudy pour l'empêcher de tomber. Mais l'homme parut s'en moquer. Son grand sourire crétin ne le quitta pas un instant. « Regardez !» s'exclama Laurel, la voix étranglée. « Brian, regardez !» Il regarda et eut la respiration coupée. Tout le hall d'embarquement était rempli de fantômes. Des formes éthérées, transparentes, allaient et venaient dans la partie centrale. Des hommes en costume trois pièces, le porte-document à la main, des femmes en tenue de voyage élégante, des adolescents en lévis et t-shirts ornés de symboles de groupes de rock. Il vit un père fantôme conduire deux petits-enfants fantômes, au travers desquels il aperçut d'autres fantômes assis sur les sièges, lisant des exemplaires transparents de Cosmopolitan, Esquire, US News and World Report. Puis les couleurs plongèrent vers les formes dans un jaillissement de comètes, les solidifiant. Tandis que les voix chargées d'écho se réduisaient au prosaïque brouhaha stéréophonique de voix humaines réelles. Étoile filante, pensa Brian, stupéfait. Étoile filante seulement. Il se trouva que les deux enfants furent les seuls à regarder directement dans la direction des survivants du vol 29, lorsque se produisit le changement. Les seuls qui virent quatre hommes et deux femmes apparaître à un endroit où, l'instant précédent, il n'y avait eu qu'un mur. « Papa !» s'exclama le petit garçon en tirant sur la main droite de son père. « Papa !» s'exclama la petite fille en tirant sur la gauche. « Qu'est-ce qu'il y a ?» leur demanda-t-il, impatienté. « Je cherche votre mère !»« Des nouveaux !» dit la petite fille, avec un geste vers le pilote et son quintette dépareillé de passagers. « Des gens nouveaux !» Très bien, et maintenant, la même scène dans le téléfilm. Et pas au ralenti, parce qu'on retourne dans le temps. Ouais, c'est ça, si on ralentit, ça marche plus. Ah oui, si on ralentit, on va encore reprendre du retard. Ici, mettez-vous contre le mur. Je crois que nous serons bien ici, à l'écart du flux des voyageurs. Qu'est-ce qui va se passer ? Quand nous avons traversé la déchirure du temps, on l'abordait par l'est. Nous nous sommes retrouvés dans le passé d'à peine 15 minutes, vous vous souvenez ? Oui. Et maintenant, on est dans le futur ? C'est ça, la déchirure du temps nous fait maintenant voyager dans le futur. Je le crois, oui. Seulement, nous ne sommes pas retournés vers un monde froid qui a poursuivi son chemin sans nous. Nous sommes retournés vers un monde qui ne demandait qu'à éclore. Regardez! Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est merveilleux. Merveilleux. Cette fois, le présent est sur le point de nous rattraper. Attention, accrochez-vous. Il pourrait y avoir une secousse. Regardez. Brian, regardez. Attention, vol 6700. Attention les bagages. Hé, hey, regarde, papa. Papa. Papa. Quoi? Arrêtez, je cherche votre mère. Les nouveaux gens, regarde les nouveaux gens. Très bien, donc comme on l'avait dit, une scène globalement proche, il y a quelques dialogues qui sont supprimés, c'est un peu accéléré, mais globalement on est quand même sur la même chose, on a même les deux enfants dans l'adaptation. Et bien une petite fille et un petit garçon. Oui, oui, qui passent vraiment rapidement, ils sont rigolos. Ouais. Donc ouais, bah c'est un bon exemple de moment. D'habitude, on a tendance à dire que les adaptations trop fidèles, ça marche pas, mais il y a des moments, là, ça le fait bien. Les effets spéciaux sont assez sobres. Ça fait pas exactement ce que dit la nouvelle, parce que ça aurait été trop compliqué pour l'époque, mais ça fait quelque chose que je trouve intéressant, donc ça passe. Oui, ça fait un mélange de couleurs et de formes très joli. Les silhouettes fantomatiques sont à peu près respectées. Ouais. Mais non, Hollande, là, s'en est bien sorti sur... pour retranscrire ce final à l'écran. Ouais, on sent bien aussi les gens rassurés, le fait qu'ils soient heureux, cette espèce de satisfaction de voir le temps revenir vers eux. Et puis, mine de rien, on critique souvent King, on l'a dit, pour ses fins pas toujours terribles, c'est réussi, il faut le dire aussi. Oui, c'est ça. C'est un peu tout ou rien, hein, King, dans l'ensemble des fins. La moitié du temps, elles sont très bien, et la moitié du temps, elles sont décevantes. C'est ça. Ah mais elles sont pas décevantes parce que t'aurais voulu qu'il se passe autre chose. Elles sont décevantes parce que vraiment, des fois, elles sont pas amenées de manière extraordinaire. Ça. Tu sens qu'il avait une idée. Et en fait, tu sens qu'il a une idée, il sait comment ça va finir, mais il sait pas comment on relie les deux points. Quoi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est souvent un peu ça. Tandis que là, il va bien progressivement. En fait, la nouvelle dure un moment, même après qu'ils aient quitté l'aéroport, alors qu'on aurait pu se dire que ça aurait été l'arrêt. C'est bon, ils ont échappé à l'aéroport, ils ont échappé au Langolier. On aurait pu croire que ça aurait été la fin, en fait. Mais non, il reste pas mal de trucs après, tout un chapitre. Oui, dans beaucoup d'œuvres, ça serait terminé au moment où, hop, ils reviennent dans notre dimension, quoi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, dans le téléfilm, à un moment, quand ils reviennent dans notre temporalité, donc il n'y a rien, Laurel dit, regarde par la fenêtre, il n'y a rien. Et au moment où elle dit ça, la caméra montre, et en fait, on voit une voiture en mouvement. Ah, donc, j'ai pas fait gaffe à bof, ça. Bof, quand même. Laurel, qui est très courageuse tout le long du téléfilm, hein, on peut dire que Laurel est hardie. Je tenais à la placer, je l'avais noté celle-là. Eh, je suis bien content pour toi. Ouais, ça me paraissait indispensable. Moi maintenant mon objectif c'est de caser Dr. Sleep à chaque épisode. À chaque épisode ouais. J'avais aussi noté un truc, à ton avis quand il retourne dans le passé, est-ce que Dina il faut l'appeler Déjeuna maintenant? Voilà, comme ça j'ai tout placé en série, c'est fait. Oh non. Termine sur une note positive. Oh non. Abonnez-vous. Ouais, c'est ça, pour plus de jeux de mots de qualité, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous. Donc voilà, une belle conclusion. Effectivement, elle est limite surprenante en fait. C'est le genre de nouvelle dont on s'attend d'habitude à ce que ça finisse mal. Ah oui, en plus. Donc ça fait plaisir de les voir s'en sortir parce qu'on s'est quand même bien attaché à eux. Et s'en sortir de manière qui passe, quoi. Pas comme certaines, comme la fin de ça ou qui fait un peu artificiel par moment, je trouve. Moi c'est tout, je pense qu'on peut commencer à classer ça. Oui, on peut passer au classement. Eh ben allons-y. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer par le classement des œuvres écrites. Nous avons pour le moment en tête de liste Cimetière, La Part des Ténèbres, ainsi que Dead Zone, et En fin de liste, nous avons l'année du loup-garou, Dr. Sleep et Grand Chauffeur. Alors, je ne cache pas que les Langoliers, ça fait longtemps, c'est du haut de classement. Oui, carrément. Parce que le dernier haut de classement qu'on a classé, c'était quoi ? Bah, Dead Zone, je pense. Ouais, vraiment haut de classement, ouais, parce que sinon, le récit qui a été le plus haut parmi toutes nos dernières lectures, c'est Désintox Inc., et ça commence à dater. Et pour moi, les Langoliers, vraiment, c'est... On va aménager un petit peu le suspense. Hein. Pour moi, là, je vois le classement comme ça, pour moi, c'est du top 10. Jusque-là, oui. Jusque-là, on est d'accord. Ouais. Moi, alors... Encore une fois, il faut te rappeler, Issam, que quand nous parlons de la tour sombre, nous ne parlons que de la tour sombre. Nous ne parlons pas de tout ce qui suit derrière. Donc on parle que du pistolero, tu veux dire. Nous ne parlons que du pistolero. Ouais. Voilà. Parce que pour moi, ça va entre crapule de bas étage en manteau jaune, donc... Cœur perdu en Atlantide. Cœur perdu en Atlantide. Ouais. Et du coup, la tour sombre, donc le pistolero, quoi, en gros. D'accord. Moi, je le mettrais à cet endroit-là. Alors oui, j'étais parti du même concept que toi par rapport à la tour sombre, de toute façon, parce que sinon j'aurais pas laissé crapule de bas étage être mis au-dessus. Oui. Mais du coup, pour moi, dans ces circonstances-là, ça va entre Cujo et crapule de bas étage. Ah ouais, t'as même une préférence pour les Langoliers. Ouais, j'ai une préférence pour les Langoliers, ouais. Ah ouais. Après, quoi qu'il en soit, c'est deux excellentes places. Hein. Ouais, Duka, ouais, on est sur la bonne place, mais je sais pas, j'aime vraiment bien... C'est touchant, crapule de bas étage, y a pas de souci. C'est un très très bon récit, mais j'aime vraiment bien l'harmonie de groupe et l'idée des Langoliers. Je trouve vraiment que c'est un côté un... En fait, tout en reposant sur plein de clichés de King, c'est un côté un peu unique par sa construction et par son idée. C'était quoi les derniers trucs qu'on avait classés? Les derniers trucs qu'on avait classés, c'était du bas... Enfin, c'est... c'était tout en bas. Non, c'est pas du bas, j'exagère un peu, c'est dans les films que c'était en bas. Il y a eu la presseuse et quand l'autovirus met Cap Honor dans les ouais, derniers trucs classés qui sont en milieu. Et il me semble que tu me les as tous les deux... Tu me les as tous les deux laissés les mettre sous l'affaire Dumney. Oui, après, j'étais plus ou moins d'accord. Donc, ah, pour la presseuse, t'avais quand même un petit doute. Ouais, la presseuse, j'avais un petit doute, ouais. Ouais, bon, ouais, moi ça me va aussi, entre Cujo et crapule de bas étage en manteau jaune pour les Langoliers. Bah allez, les Langoliers, donc qui prend la cinquième place, c'est bien ça? En même temps, on va pas se battre pour ouais. Soit la cinquième place. Oui, c'est ça, là, c'est quand même pas un gros désaccord là, pour le moment. Au bout d'un moment. Hein. Mais en fait, ouais, globalement, ça va au-dessus des autres pour la cohésion de groupe entre tous les personnages, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que c'est ce qui manque, en fait, aux autres, bah après... Forcément, c'est ce qui manque à Carrie, vu que bah, c'est pas le but de Carrie. Oui, hein. Oui, c'est autre chose. Voilà. Même, comme on l'avait dit, Carrie a 2-3 longueurs qu'il n'y a pas ici. Hein. Ouais. Bah, Carrie a ce syndrome premier roman, en fait. Oui, hein. C'est ça, ça on va pas... Typiquement. Ça reste un très bon premier roman. Hein. Voilà. Jesse est très bon, mais son final est, son final est un petit peu gâché par le psychopathe difforme, là. Et Salem, bah, il lui manque un peu la cohésion, justement, là, pour le coup, le groupe ouais. Part un peu dans tous les sens. Et c'est dommage, parce que dans Salem, il y a énormément de personnages intéressants, ouais. Parce que, bah, ils interagissent pas extrêmement entre eux, quoi, ouais. Alors qu'ils le font, ils le font pas de manière ultra marquante. Voilà. Et nous allons passer au classement des films. Et donc là, nous avons à la première place Carrie de Brian De Palma, suivi de Chambre 1408 de Michael Astrom et de No Smoking d'Anurag Kashyap. Et aux trois dernières places, Le Fléau de Mick Garris, The Mangler Reborn de Eric Garner et Matt Cunningham, et Dr. Sleep de Mike Flanagan. Et donc pour cette adaptation, je regarde un peu. Pareil, pour moi, bah les adaptations niveau qualité, on perd quand même pas mal plus vite que sur les livres. Et pour moi, pareil, on va être en fin de top 10. Pour l'instant, c'est là que je regarde. Parce que j'ai beaucoup de mal à l'imaginer derrière Quicksilver Highway. J'ai préféré les Langoliers à Quicksilver Highway de loin. Ouais, on est d'accord. Mais oui, je le vois difficilement au-dessus de Cimetière, par contre. C'est avec Cimetière, moi j'hésite. Mais bon, je l'aurais mis au-dessus, mais tu m'as accordé de le mettre au-dessus de Cœur perdu pour les livres, donc je t'accorde de le mettre en dessous de Cimetière. Donc du coup, en dixième position. En dixième position, ouais. Moi, ça me va. Parce que oui, Quicksilver Highway, c'est cool, mais... En fait, Quicksilver Highway, c'est cool, mais dans la mesure où j'ai préféré, où j'ai préféré le segment qui adapte... Ouais. Qui adapte... Merde, comment il s'appelle Clive Barker. Clive Barker plutôt que le segment qui adapte King, bon bah du coup c'est compliqué quoi. Mais ouais, c'est quand même une bonne place hein, plutôt. Oui. Et vraiment, je comprends pas que ce soit aussi dénigré alors qu'on adore, que plein de gens adorent ça et le fléau. M'échappe un peu. Donc voilà, 10e position pour les Langoliers, ce qui fait plaisir parce que ça faisait un moment qu'on était quand même assez bas. Mmh. Oui, là on a fait deux. Bah pour les deux, c'est du top 10 en fait. Pour et la nouvelle et le film, c'est du top 10. Donc on a un petit peu chamboulé enfin la tête de Clive. Enfin, pas la tête, mais. On a chamboulé les 10 premières places. Très bien, on en a fini avec les Langoliers et donc nous allons passer au meilleur moment. Voilà. Tirage au sort. Bah, si ça peut être aussi bien que les Langoliers, moi ça me va, mais. Oui, ça peut être mieux. Oui, ça peut être mieux, oui. Ça peut tomber plus bas, oui. Oui, ça peut tomber beaucoup plus bas, hein, ce qui concerne l'écrit en tout cas. Alors, j'ai un petit papier. Je donne le chapeau à Christopher avant de découvrir le papier qui est Cimetière de Kevin Kolsch et Dennis Widmer. Donc, c'est le cimetière qui date d'il y a 2 ans, quelque chose comme ça. La dernière adaptation en date, enfin la deuxième adaptation. Oui, c'est ça. Et après, il y a eu Cimetière 2. Ouais. Qui du coup est totalement original. Alors, Cimetière 2. J'ai un petit papier. Alors. Ah. Oh là. Ah non. Tu as peur, hein. Alors, j'ai tiré un roman et un film que je n'ai jamais vu. Un roman que je n'ai jamais lu. J'ai tiré Firestarter sous l'emprise du feu. Donc, Charlie. Alors, je crois que Firestarter, c'est Charlie 2. Ah oui, c'est Charlie 2. C'est Charlie 2. Mais ça va nous donner l'occasion de parler du roman Charlie au moins. Pourquoi à chaque fois on tire toujours les suites avant les premiers? Quelle est cette malédiction? C'est dommage, j'aurais bien vu Charlie, mais non, ce sera Charlie 2. Mais tant pis. Parce que toi, t'as lu le roman, mais tu n'as pas vu le film. Ouais, c'est ça, j'aime beaucoup le roman, moi. Ce qui nous permettra au moins de parler d'un très bon livre. Très bien, donc on se retrouve dans 2 semaines pour traiter du remake de Cimetière, que je suis assez curieux de voir. Pareil. Et vous pouvez en attendant nous retrouver sur Twitter. @ cinéma archiviste pour toi, @ au gré des bulles pour moi. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Discord, les liens seront dans la description. On essaie toujours de reprendre nos podcasts, c'est la guerre des clapes consacrée au cinéma en général, et Casse sur table consacrée au manga, comics, BD. Ouais, comme dit Chris, c'est compliqué, on s'en excuse. C'est plus dur de s'organiser quand on a 3 emplois du temps à coordonner, tout bêtement. Et quand l'un de nous est qu'à contact, surtout. Ouais, ça a pas aidé, mais bon, même quand il était pas encore qu'à contact, on galérait, hein, faut dire ce qui est. C'est vrai. C'est pas que à cause de ça. Je veux bien qu'on accuse Nécro de tous les maux, hein, moi je suis toujours ouvert à ça. Donc voilà, c'est tout. Et en attendant, nous vous disons à bientôt, et n'oubliez pas... que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. À plus. Salut.